J'abandonne sur une chaise mon gros pet du matin. Les odeurs sont mauvaises d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et puis qu'elle pète enfin. C'est tellement immonde que je respire à peine. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce gros pet immonde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, aller chier en paix. Aller chier en paix. Je vais à la fenêtre et mon pet ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce qu'il est pas si mal? Est-ce qu'il ne sent pas bon? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son PQ en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, aller chier en paix! Allez chier en paix! Je regarde sur la chaise mon gros pet du matin. Les odeurs sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Crois-tu que je vais péter? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un lavement pour Noël? Et elle prend son PQ en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, aller chier en paix. Ouais, aller chier en paix. Aller chier en paix. Yeah, aller chier en paix. Wow, wow, wow, aller chier en paix. Mm-hmm.